Vous écoutez France Culture. Premier temps d'une fabrique de l'histoire consacrée aux marchés, les marchés physiques dans lesquels on se promène, mais également les marchés virtuels sur le net ou d'autres types de marchés. Ça sera au cœur de cette semaine, une semaine interrompue demain par la journée spéciale de France Culture sur la santé. Nous mêlerons d'ailleurs nos deux thèmes, santé et marché, demain en nous intéressant à l'histoire des médicaments et de leur commercialisation, de l'officine à l'industrie. Mercredi, Anaïs Kien nous proposera une balade documentaire dans un lieu, le Carreau du Temple, feuilletage historique et mémoriel parisien qui, avant de devenir un lieu de la culture aujourd'hui, était un haut lieu de la marchandise à Paris. Jeudi, nous débattrons d'une histoire des marchés physiques jusqu'au marché virtuel avec Laurence Fontaine, Christophe Pébart et Fabien Fougeron. Et aujourd'hui, nous partons pour Rungis où Maurice de Sailly nous accueille dans les bureaux de commissionnaires en fromage, les fameux beurre e fromage sur le grand marché parisien qui est Rungis. Avec lui, nous évoquons son entrée dans le métier au milieu des années 50, où il a succédé à son père et à son grand-père, et l'évolution qu'a connue le plus grand marché de frais du monde depuis justement une cinquantaine d'années. Une évolution teintée de beaucoup de nostalgie, une nostalgie que l'on entend dans la voix de Maurice de Sailly pour une France qu'il estime disparue. Maurice de Sailly, bonjour. Bonjour. Merci d'être, de nous accueillir dans vos bureaux ici de la société de Sailly, donc à Rungis, pour ouvrir notre semaine consacrée au marché dans la fabrique de l'histoire. Alors les marchés, vous les connaissez depuis très longtemps, et même si vous-même vous pratiquez depuis longtemps ce travail, puisque vous dirigez une société qui s'occupe de fromage, en particulier ici à Rungis, vous êtes héritier d'une histoire bien plus longue qui est celle de votre grand-père. Votre grand-père vous a raconté les débuts de tout cela. Mon grand-père, malheureusement, a été tué par les appâts en 1940. J'avais 3 ans. Donc, par contre, j'ai des souvenirs de mon grand-père assez curieux. J'ai eu des flashs avec mon grand-père. Il m'emmenait au bistrot pour boire, je ne sais plus quoi. Il me prenait par la main, je me souviens très bien. Il venait me chercher, on jouait aux quatre coins avec lui, parce que bon, j'avais une sœur aînée. Donc mon grand-père était vendeur avant la guerre de 14, chez un grossiste au Val de Paris. Et quand il est rentré de la guerre, où il a été blessé d'ailleurs, il s'est installé à son compte, avec 3 autres personnes, avec lesquelles il s'est plus ou moins entendu. Qui fait qu'il a émigré rue de la Cossonnerie en 1935, au 1er août 35. Donc papa devait avoir à peu près 30 ans. Tout ça. Donc il s'est installé rue de la Cossonnerie. Bon. La guerre est arrivée. La seconde guerre, là, en l'occurrence. La seconde guerre. Donc mon grand-père a été malheureusement tué. Mon père a donc fait une partie de son armée, et puis après. Il avait insulté un officier allemand, mon père parlait parfaitement allemand, et donc il s'est retrouvé à la Santé et à Fresnes. Il a fait un an de prison. Et il s'en est sorti assez miraculeusement, puisque comme ça fusillait à peu près tous les jours dans ses prisons. Et donc il a recommencé un petit peu, parce que bon, quand il y avait un peu de fromage, on vendait un peu de fromage, mais il n'y avait strictement rien. Les gens avaient des cartes d'alimentation. Comme il n'y avait pas de produits, bon, et puis en 44, ça a recommencé un petit peu. Bon, il est reparti avec 400 salariés, après, voilà, à Paris. Et que, donc moi, j'ai commencé en 56. Alors c'était quoi justement cette ambiance, ce milieu des Halles, justement après la Seconde Guerre mondiale? Une ambiance absolument extraordinaire, parce que c'était très très vivant. On était sur un marché qui faisait 17 hectares. Donc on était mélangés. Donc il y avait un pavillon fromage, il y avait un pavillon poisson, un pavillon pour les huîtres, un pavillon pour la viande et un pavillon pour la triperie. Et nous, on était commissionnaires, négociants commissionnaires. On était à l'extérieur de tous ces pavillons. Mais on était mélangés. Nous, on avait 4 marchands de poissons auprès de nous. On avait un marchand de fruits et légumes. Les fleurs, ce n'était pas le matin, c'était tous les après-midi. Donc, une activité absolument fantastique, des volumes fantastiques. C'est quoi, pour donner une idée des volumes qui étaient brassés par votre père dans les années, milieu des années 50 En gros, un bon crémier, à cette époque-là, donc en 56-60, vendait une tonne de beurre par semaine. Il vendait 10 caisses de Roquefort, 10 caisses de Saint-Nectaire, des émentales, 4-5 émentales, comptées, 4-5 comptées. Mais il n'y a pas toute la gamme qu'on a aujourd'hui. On avait environ 350 références à cette époque-là. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a 1800 références. Ah, on est passé de 350 à 1800. Oui, parce qu'il y a un tas de boîtages qui sont arrivés, des emballages, des 10%, des 20%, des 30%, des 40%, mm-hmm. des 50%. Et donc, si vous voulez, nous, on a commencé un petit peu. Mon père était très, très en avance, au niveau social d'ailleurs, très en avance. Il y avait l'intéressement chez nous déjà. Hein, à l'époque, c'est extraordinaire. On a été un des premiers à acheter de la marchandise, alors qu'on était commissionnaire. C'est-à-dire... Alors, expliquez aux auditeurs, parce que ça, c'est compliqué. On vendait la commission, c'était quoi ? On recevait la marchandise et on vendait pour le compte de. D'accord ? Coopératif ou industriel. On remplissait un bordereau de vente et on prenait à l'époque une commission de 5%, plus des frais de frigorifique, puisqu'on avait des frigos chez nous. Et donc, on a commencé à servir des magasins comme Monoprix, Prise Unique, la laiterie parisienne, les comptoirs français, les Docré Moirins, que mon père pensait déjà que cette distribution petite qui existait, parce que les magasins faisaient 200 ou 300 mètres carrés. Donc, on a commencé à servir tous ces gens-là, qui avaient des plateformes et qui fonctionnaient mal. Donc, on était 60 quand on est arrivé ici, à Rungis. J'ai eu 140 personnes il y a 30 ans. Parce qu'on servait les premiers Leclerc, les premiers Carrefour, les premiers Inter, les premiers Cora, les Mammouth, Auchan. Donc on avait un volume absolument incroyable. Et si vous voulez, il y a eu une évolution énorme, puisque bon, la grande distribution qui représentait 5% il y a 50 ans, ben, elle représente 10, 15, 20, 30, et aujourd'hui c'est 85%. Hein. Dans nos produits, à nous, c'est 85%. Donc aujourd'hui, un bon crémier fait un émental ou deux par semaine, un comté ou deux, 30-40 kilos de beurre. 30-40 par rapport à la tonne que vous vendiez. Bien sûr, oui, mais c'était les seuls gens sur les marchés à l'époque. Hein. On préparait le beurre le samedi après-midi. Moi, j'avais travaillé le dimanche pour faire un peu de sous. On préparait et les bottes au fil, on coupait les bottes, on préparait les 200 grammes, les 300-400 grammes à peu près, les bouts de fromage, etc. On arrivait sur le marché le dimanche, c'était prêt. Et il y avait une clientèle absolument incroyable. D'autant qu'à cette époque-là, les gens mangeaient. On sortait de la guerre, de la pénurie, donc on n'avait pas grand-chose à manger pendant la guerre. Moi, j'étais élevé à la campagne, mais il n'y avait pas grand-chose à manger. Quand ma grand-mère trouvait du Saint-Doux, une tartine de Saint-Doux, c'était important. Aujourd'hui, on ferait manger une tartine de Saint-Doux à un gamin, il lui dit non, tu me prends pour qui? Mais bon, et donc les gens mangeaient, ils se logeaient et ils mangeaient. Vous dites l'ambiance était fantastique. Expliquez-nous pourquoi, est-ce que c'était très mélangé. On discutait avec le marchand de poissons, on discutait avec les marchands d'huîtres, on discutait. Donc il y avait toute une ambiance qui se créait. Nous, à l'époque, les ventes duraient jusqu'à une heure et demie de l'après-midi. Il y avait un tel volume. On avait des magasins très très petits. Nous, on avait des deux étages de cave. On avait des frigos partout. On avait un frigo à Bercy, un frigo à Vaugirard où on affinait des camemberts. Donc il y avait tout un va-et-vient de trafic qui se faisait. Et les gens payaient pratiquement comptant. Quand on a commencé à vouloir faire payer les gens avec des chèques, ils ont dit maintenant, je vais vous faire payer avec des chèques. Hein, aujourd'hui, malheureusement, ça a un petit peu changé. Mais tout ça, c'est venu également de la grande distribution, qui au départ payait, nous on avait des acheteurs à l'époque, Monoprix, Prisu, qui faisait le samedi, qui payait toutes les factures de la semaine. Vous êtes passé de la semaine au mois, quoi, d'une certaine façon. Oui, au moins, et dans une autre activité qu'on a, c'est un petit peu plus que ça. Alors, vous dites bonne ambiance, bon enfant. Est-ce que vous pouvez nous donner des images de cette ambiance des Halles de Paris, donc avant le transfert à Rungis? Il y avait quoi? Des associations? Il y avait des gens qui se connaissaient depuis si longtemps ou qui étaient héritiers de familles depuis si anciennes qu'au bout du compte, il y avait presque des mariages entre familles. Qu'est-ce qui faisait Non, que il ça n'y a avait pas une de bonne mariage, mais ambiance? si vous voulez, entre collègues, bon, la concurrence était quand même sévère. Mais elle se faisait d'une certaine façon. On pouvait aller boire une coupe de champagne avec un collègue aujourd'hui. Ici, ça me surprendrait beaucoup, hein. Mais bon, pour la petite histoire, bon, je me souviens comme ça, peut-être pas trop raconter ça, mais les marchands de poissons aussi travaillaient à la commission. Et les acheteurs s'appelaient Antoine, Jacqueline, Marthe, parce que les noms dans le poisson, ça. Et puis le matin au bistrot, dis donc. Tu l'as vendu combien la sole ce matin? 3 francs. Oh merde, j'ai vendu 2 francs 50. Donc, il se faisait un petit peu. Il y avait des périodes difficiles où il remettait de l'argent, en fait, et puis des périodes où il gagnait bien, où ça permettait de faire des opérations un petit peu comme ça. Oui, Bon. c'était, ils équilibraient sur une durée un peu plus longue. Voilà, c'est ça. On a l'impression que. On se connaît dans le commerce aux Halles de Paris, c'est-à-dire qu'on fonctionne à la confiance, Absolument. on fait des top là Bonne plus moralité, on fait des. respect de la parole. Ouais. On se tapait dans la main pour des gros marchés. Hein. Je dirais que bon, il y a eu des affaires un peu rocambolesques. Hein. Il y a quand même eu deux ou trois grosses opérations, des gars qui n'ont pas été sérieux. Mais dans l'ensemble, si vous voulez, c'est comme une centrifugeuse. Le gars qui respectait pas sa parole, il passait à la centrifugeuse, il se trouvait à un moment, il était complètement Éjecté. éjecté. Hein. Ah Il y avait le bouche à oreille qui se faisait. Comme je vous disais tout à l'heure, les gars qui ne payaient pas tout de suite, bon, on commençait à les regarder un peu de travers, ouais. quoi. Les gens gagnaient beaucoup d'argent. Les crémiers gagnaient beaucoup d'argent, les poissonniers gagnaient beaucoup d'argent. Parce que aujourd'hui, on dit que les crémiers sont chers, mais un crémier aujourd'hui, comme je vous dis, il vendait une tonne de beurre, il vend 50 kilos. Donc, il avait beaucoup de clients. Donc, quand vous avez 1000 clients, vous allez avoir 100, bah, vos marges, vous en prenez moins, puisque votre volume est là. Donc, ça vous permet, au niveau des frais, de pouvoir un petit peu plus équilibrer. Comme ils sont ingrats les hommes, les uns chantent le picton, d'autres le jus de leurs pommes, d'autres enfin le houblon. Mais aucun ne rend hommage à cet enchanteur divin qui donc pourrait sans fromage goûter bière, cidre ou vin. Fromage, poésie, bouquet de nos repas, que sentirait la vie si l'on ne t'avait pas? Que sentirait la vie si l'on ne t'avait pas? Quand la gentille ouvrière prend son repas à midi, c'est un morceau de gruyère qui lui tient lieu de rôti. Au printemps, bonheur suprême, avec les fruits du fraisier, c'est le fromage à la crème qu'on savoure à l'atelier. Fromage, poésie, bouquet de nos repas, que sentirait la vie si l'on ne t'avait pas? Que sentirait la vie si l'on ne t'avait pas? Que de pays tire gloire d'un fromage renommé, l'olivet vient de la Loire, des Vosges le Géromé, à l'air vif de Normandie, le camembert devient fort, au sud le Nortemandie, délectable Roquefort. Fromage, poésie, bouquet de nos repas, que sentirait la vie si l'on ne t'avait pas? Que sentirait la vie si l'on ne t'avait pas? Vous arrivez, vous, dans l'entreprise de votre père, fondée par votre grand-père, en 1956, trois ans avant la décision prise par le gouvernement de Michel Debré de déménager, 13 ans avant le déménagement effectif à Rungis. C'est aussi tout le cœur de Paris qui est irrigué par les Halles à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les 15, 20, 30 rues autour des Halles de Paris sont consacrées à cela, au bout du compte. Bien sûr. Il y avait la rue Pierre Lescot, la rue Sainte-Opportune, la rue Berger, la rue des Prouvaires, le boulevard Sébastopol, des rues derrière. La rue Montorgueil. La rue Montorgueil, bien sûr. Hein, il y avait une activité absolument fantastique. Quoi, c'est... Saint-Eustache aussi, qui est au cœur de tout ça, avec des chapelles qui sont consacrées par profession aussi, quelquefois des messes qui sont données par les bouchers, par les charcutiers, etc., etc. Si vous voulez, la grosse différence, tout était mélangé aux anciennes Halles, à part les pavillons viande, friperie, bon, voilà, mais ici, il y a le secteur de la marée, il y a le secteur de la viande, il y a le secteur de la volaille, il y a le secteur des fruits et légumes, il y a le secteur de... On ne sait plus trop ce qui se passe ailleurs, en fait. Hein? Bon, il y a un comité technique consultatif à Rungis qui est chargé deux fois par an, en principe, de revoir avec le préfet ou le sous-préfet l'organisation du marché, les nouveaux textes, les nouvelles lois, les choses, donc c'est très, très compliqué. Alors, cette France des années 60 est une France de la prospérité aussi. Vous la connaissez à un moment où elle explose au point de vue de la démographie, de la richesse. Il n'y avait pas de chômage. Il n'y avait pas de chômage, il y avait 60 000 chômeurs. C'est des gens qui ne pouvaient vraiment pas travailler. Vous quittiez un patron, vous alliez en face, des soucis, il n'y en avait pas. Et il fallait donc garder les bons ouvriers parce qu'ils risquaient de partir du jour au lendemain. Oui, si, mais les gens étaient très très correctement payés. Hein, donc, vous savez, on dit toujours un bon patron fait un bon ouvrier fait également. Bon, tout ça, c'est dans une boutique. Enfin, nous, on est toujours. Mon père était comme ça, moi je suis comme ça, puis ma fille qui dirige maintenant est comme ça. Il faut être très proche des gens. Il faut savoir ce qui se passe. Hein. Aujourd'hui, la catastrophe, c'est la déshumanisation partout. Dans toutes les grosses boutiques, hein, où un patron licencie 2 ou 3 000 salariés, c'est tout juste si ça l'empêche un peu de dormir. Hein, malgré des résultats, des fois, on voit dans des boutiques, on dit c'est la mondialisation, faut être compétitif, faut ceci, cela, on n'a pas de boulot, il faut licencier 3 000 personnes. Je crois qu'il y a des bons patrons et il y a des mauvais patrons. Alors, par exemple, dans cette société des années 60, vous connaissiez les fournisseurs, j'imagine. Vous disiez beaucoup moins de références qu'aujourd'hui, que dans la fromagerie. Et donc, vous connaissiez les fournisseurs. Vous aviez quel rapport avec ces fournisseurs? Vous alliez les voir travailler? Comment ça se passait? Nous, à l'époque, on allait acheter directement la production. C'est-à-dire, on avait des volumes importants. Donc, moi, j'allais avec mon père au départ. Après, j'ai fait ça tout seul. Toute la Franche-Comté. La Côte d'Or, la Haute-Saône, le Doubs, la Savoie. Je faisais 5 000 km par an, hein, pour trouver de la marchandise. Parce qu'il y a une production du printemps jusqu'au 15 août, après c'est fini. Et l'hiver, il n'y avait que 20 à 30% de lait. C'est-à-dire qu'on avait besoin de fromage d'hiver parce qu'il n'y en avait pas. Mais il fallait qu'on absorbe l'été tout ce que la production sortait. Je vais vous donner un exemple. C'est précis parce que j'étais vendeur à l'époque. On recevait 100 caisses de Sainte-Maure, donc des chèvres de 30 à l'époque, pas des caisses de 12 ou 15, hein, tous les matins. L'hiver, 2 fois 5 colis par semaine en chèvre. Donc on vendait, de mémoire, 70-80 centimes le Sainte-Maure l'été, hein, en pleine bourg. On vendait 3,50 francs les 10 caisses par semaine qu'on recevait. Toute la région Auvergne. On allait en Auvergne, Saint-Nectaire, Cantal, Bleu, Fourme, 3-4 fois par an. Je faisais le tour également pour voir tout. Alors à l'époque, si vous voulez, il y a deux grosses sociétés aujourd'hui au département d'Auvergne. Avant, les affiliés, vous en aviez 20 ou 30. Donc, on faisait le tour pour trier nos Cantal. On savait, par exemple, les vieux Auvergnats de Paris voulaient du Cantal avec des croûtes, avec des comme ça. On allait trier les fromages spécialement pour eux. on connaissait le goût de nos clients. Oui, parce que vous étiez les intermédiaires, donc il fallait connaître à la fois le bout de la chaîne, ceux qui allaient acheter, mais aussi ceux qui fournissaient au bout du compte. Absolument. Donc il y avait toute cette chaîne à maintenir toujours tendue. Il fallait trouver de la marchandise. Je dis, il y avait cette production de printemps, énorme, parce qu'il fallait absorber le lait, et puis l'hiver, il n'y avait pas. Mais ils ont vite compris, les producteurs, au bout d'un moment. Ils se sont dit, comme le lait d'hiver est payé beaucoup plus cher, on va rééquilibrer tous les vélages et tout ça, et on va refaire du lait l'hiver plutôt que d'en faire trop l'été. Mm-hmm. Donc maintenant, il y a un certain équilibre qui n'existait pas avant. Cette France des années 60, c'est la France qui voit naître les supermarchés d'abord, avant que ne naissent les hypermarchés. Est-ce que vous vous souvenez des discussions que vous aviez avec votre père dans ces années 60 autour de cette naissance d'une nouvelle forme de commerce, pourrait-on dire, qu'étaient les supermarchés? Donc, comme je vous l'ai dit, mon père était très en avance. Il pensait déjà qu'il y avait un développement assez considérable. Hein, parce que, bon, les structures du commerce changeaient, les gens aussi changeaient. On travaillait déjà avec Prisulic et Bonopré à cette époque-là. Il y avait déjà des points de vente. Mais après, il y a eu le premier Carrefour. Des bois, les centres Leclerc qui rentraient beaucoup. Mais ça veut dire que j'imagine que vous receviez des plaintes en travaillant à la fois pour les uns et pour les autres, de la part de votre clientèle traditionnelle, des crémiers traditionnels, qui voyaient peut-être d'un mauvais œil. Il y a toujours eu un petit peu, effectivement, vous avez raison de le souligner, un petit peu toujours, dans le cas, vous servez Prisu, vous servez machin, on essaie de leur expliquer que nous, on a une entreprise, que si on ne participe pas un peu à l'évolution de ce qui se passe, c'est qu'à terme, l'entreprise n'y sera plus. Hein. Mais on a toujours, je pense que dans l'esprit de nos clients, d'abord, c'est l'esprit de la famille qui compte. Et les gens sont très, très sensibles maintenant à cette ambiance qu'on a chez nous. Ce fils est la quatrième génération. Bon, ça veut dire que l'entreprise, au travers de tous les problèmes, toutes les difficultés que connaît l'entreprise, elle est là. Elle existe toujours. Mais qu'est-ce que ça dit à des clients, par exemple, cette notion de famille? Parce que ça se centralise de plus en plus. Ouais. Donc, plus vous devenez gros, plus le contact avec le client direct devient un petit peu difficile. Chez nous, nous sommes 30, 28, 36. Donc, c'est assez familial. Pour moi, qui suis un vieux, ce qui me trouble aujourd'hui, c'est les 35 heures. Est-ce que vous avez une notion du travail qui était forgée à l'idée qu'il fallait se lever très tôt et qu'il fallait travailler toute la journée? On se lève toujours très tôt, mais on a 15 jours de vacances. Ouais. Hein, donc il y a une évolution globale. Nous, on a été, c'est vrai qu'on est une génération, nous, on a eu de la chance en fait, parce que bon, on a eu la guerre pas facile, après il a fallu travailler. Vous avez fait la guerre d'Algérie tout de même aussi. Oui, il a fallu travailler dur. Hein, parce que moi, quand je faisais toute l'Europe en voiture, je faisais Hambourg-Paris dans une Dauphine, j'arrivais à 4h du matin, mon père disait tu vas pas te coucher, non? Directement au boulot. Hein. Et puis quand il me montrait la pointe de son pied, je savais ce que ça voulait dire. Hein. Fallait... Bon, et surtout, on a une notion de la valeur de l'argent. Parce qu'on n'en avait pas. Coulommiers et Poisse, Bleu d'Auvergne, Beaufort, Livaro, Reblochon, Abondance, Mondor, Crottin de Chavignol, Chabichou du Poitou, Pyrénées de Brebis, Vacherin du Haut-Doubs, Camembert, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Sous-Maintrin, Broux-de-Brie, Tête de Moine, Mimolette, Boursin, avec 60% de matière grasse. Alors, vous nous avez dit, Maurice de Sailly, ce changement qui était l'arrivée des supermarchés en particulier, mais il y a un autre changement, c'est la mondialisation, la première mondialisation, même avant que vous ne veniez à Rungis, c'est cette idée qu'il faut pas simplement servir en produits français, mais aussi en produits étrangers. C'est là où on voit arriver sur les tables les gorgonzolins, et pas simplement les fromages suisses. Un des premiers importateurs aux Arsenal, d'ailleurs, à Paris, c'était nous. Ouais. Le premier contrat avec un gros Hollandais, c'est lui qui l'a entretenu. On a un contrat de 1000 tonnes par an. 1000 tonnes par an. De gouda. Ouais, oui, et même gouda. Et puis on travaillait déjà. Les Italiens, Galbadi était implanté déjà, il y avait Locatelli Galbadi, produit italien, qui se sont considérablement développés. C'est la mozzarella surtout qui a fait le développement énorme. Donc on travaillait avec le Danemark, l'Angleterre, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, la Grèce. La feta. Oui, la feta, bien sûr. Mais moi, je faisais un peu tout ça à l'époque. Mais ça veut dire aussi bien pour vendre de la marchandise, qu'on avait des gros clients allemands, on vendait de la marchandise. Mais là, c'est pareil, dès que nos clients allemands sont devenus importants, nos amis industriels, entre guillemets, nous ont dit Maurice, t'es bien gentil, mais maintenant. On va les servir directement. Bah, on va les servir directement. Quoi. Mais ça veut dire aussi qu'on accompagne le goût des consommateurs, c'est-à-dire qu'il faut habituer quelqu'un qui n'a alors jamais mangé de gorgonzola. Je pense qu'à un moment, quand on a commencé avec le Land, on a commencé, nous, à en vendre. Et en fait, c'est en développant les volumes que les gens se sont dit, tiens, dans le fond, un fromage comme ça, c'est bon. C'est intéressant parce que, en fait, Maurice de Sailly, on s'est aperçu que dans une évolution telle que vous avez pu l'observer sur maintenant plus de 70 ans ou près de 70 ans, on est passé d'abord des produits fermiers qui étaient traditionnellement travaillés par des éleveurs, par exemple, aux produits industriels, et qu'aujourd'hui, on arrive à quelque chose de mixte, beaucoup, beaucoup, une masse énorme de produits industriels, et puis tout de même, un goût qui se refait pour, justement, un certain type de produits fermiers. Il y a un moment, on a aimé, il faut le rappeler, les produits standardisés. On a aimé le camembert qui se ressemblait par 1000, par 2000, par 5000, alors qu'aujourd'hui, et auparavant aussi, on cherchait tel ou tel type de camembert pour pouvoir se distinguer aussi. Alors, si vous voulez, là, au niveau de la production, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le premier groupe fabrique 500 000 camemberts par jour. 500 000 par jour ? Par jour. Il peut descendre à 450, il peut monter à 550 000. Ouais. Quand Michel Bélier a monté sa propriété à Domfront, il fabriquait 250 000 camemberts par jour. Les gens l'ont pris pour un fou. Pour un fou furieux. En fait, il y a eu des prix de revient qui ont dégringolé de façon considérable par rapport à la fabrication traditionnelle à la louche. Bon. Aujourd'hui, vous allez dans une usine comme ça, ou chez Elvire, dans l'usine, il n'y a personne. Le lait rentre d'un côté, les fromages sortent de l'autre. À la limite, vous voyez un ou deux gars qui se baladent avec un seau, voir s'il y a assez d'emprésurage, tout comme ça. Vous allez chez les camemberts traditionnels, il y en a 4 ou 5 qui restent. Il y a Réau, il y a Gillot, il y a Grain d'Orge, il y a Saint-Jean, il y a Bertrand. Aujourd'hui, pour faire 18 000 camemberts crus à la luche, rien que les mouleurs, il en faut 15. D'accord ? 15, on passe, pour une faire par 18 une, les louches. Pour faire 18 000. Pour faire 18 000. Et personne 000. Pour faire 500 000. Et pratiquement, tout est automatisé. Il n'y a que les camions de lait. Au lieu de ramasser 100 000 litres, ils ramassent 1 million de litres. Hein, donc il y a des ramasseurs de lait, des citernes. Et après, il n'y a plus. Tout est informatisé. Vous rentrez dans là-dedans, il y a un gars. J'ai connu une usine dans le temps, à Unicopa en Bretagne. 920 meules par jour, des mentales. Le lait rentre d'un côté, le fromage sortait de l'autre. 18 personnes, congé pays compris. Il y a eu aussi une standardisation du goût qui tenait aussi à ce que, par exemple, au Danemark, on s'est mis à fabriquer de la feta, qui était un produit traditionnel grec. Ça aussi. Et donc, au bout du compte, une sorte de standardisation qui faisait que le consommateur avait du mal à s'y retrouver aussi. Une copie. Pour nous, moi, je me suis toujours battu là-dessus. Pour moi, la mozzarella, c'est un produit italien. Ce n'est pas un produit allemand, parce qu'il y en a un paquet en Allemagne, il en faut partout. La feta, pour moi, c'est grec. Bon, même le Bélier dans le temps, Lactalis, en Auvergne, il a commencé à faire de la feta. C'est interdit maintenant, mais il faut se battre contre tout ça. Aujourd'hui, les camemberts les crus, c'est 6 ou 7 000 tonnes. Sur plus de 200 000 tonnes sur les camemberts. On représente quoi. Alors, avec les pouvoirs publics, avant de les faire bouger, même s'ils sont Les Normands ont rencontré quelques appuis quand même pour défendre leur dossier, mais avant de faire bouger tout ça. Le gars qui fait 17 000 carburants les rues, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Il est bien considéré dans son quartier, de ses clients, mais après. Elle était venue de sa province pour s'installer rue Georges Brassens, dans ma petite ville, près de Nanterre, où elle vendait en abondance de cette moelleuse substance qu'on prend juste avant le dessert. Moi qui n'avais jamais mangé autre chose que des fromages tout faits, que ma mère achetait chez Mammouth. Je savais même pas, pauvre Benet, que c'était fait avec du lait et qu'on pouvait manger la croûte. Elle était petite, elle était grosse, elle sentait le fromage d'Écosse. Ma fromagère. J'adorais tellement ces frometons que je loupais pas une occasion de m'en envoyer dans le sifflet. À force de voir ma fromagère, il y avait autant de trous dans son gruyère qu'il y en avait dans mon budget. Au bout de 3 ou 4 mois, toute la ville ne mangeait plus que ça. Les gens avaient une forme d'enfer. Même les dealers, ces abrutis, laissaient tomber leurs cams pourries pour s'acheter des camemberts. Elle était petite, elle était grosse, elle sentait le combien tu chausses, ma fromagère. Promoteurs et politiciens ont tout fait pour qu'elle ne vende plus rien. L'ont amenée à la case banqueroute. Elle est partie sans demander de rab. C'est vrai que c'est pas très agréable de se faire baiser par un mammouth. Maintenant tout le monde est un peu triste. Les fromages viennent de chez le chimiste. Ils ont plus de goût d'aocumin. Vous avez déménagé donc comme tout le monde à Rungis à la fin des années 60, au début des années 70. Qu'est-ce que ça a changé? Voilà, mars 69, ça fait 45 ans. Ça fait exactement 45 ans. Et ce moment-là est un moment de bascule aussi pour les professions des marchés. C'est-à-dire que on quitte cette ambiance un peu pagayouse qui était celle de l'ambiance des Halles de Paris pour devenir, disons, quelque chose de raisonné, des grandes avenues qui portent les noms des provinces de France ou des grandes villes de France, ouais. Une classification par pavillon très stricte. Au bout du compte, qu'est-ce que ça a changé pour le métier que vous faisiez, Maurice de Sailly? Alors déjà, au départ, nous, en tant que de Sailly, on était contre ce genre de choses. Parce que des sous-sols, on pensait déjà à l'époque qu'on n'avait pas besoin de sous-sols. On affidait dans le temps, on avait des caves émentales, etc. Bon. Ceci étant, on nous a dit, c'est comme ça que ça se passe. Première chose, des gros investissements. Il a fallu payer toutes les installations. En fait, les surfaces de Rungis ont été données en fonction des volumes que vous traitiez sur les arsenales. Ouais. Bon, vous faisiez 10 000 tonnes, vous avez le droit à 20 mètres carrés. Vous faisiez 100 000 tonnes, vous avez le droit à 25 mètres carrés. Bon, c'est un peu exagéré ce que je dis. Donc nous, on est arrivés ici. Bon, après, il a fallu faire les investissements. Le froid, tous les bureaux. On avait plus d'un million de francs à l'époque d'investissement. En 69. Mais vous étiez aidé par l'État ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Donc, on est concessionnaire. Et donc, on n'est absolument pas propriétaire. Et on paie des loyers, des redevances qui sont extrêmement élevées, très très lourdes. C'était quoi être un bon vendeur aux Halles de Paris au milieu des années 60? Et c'est quoi être aujourd'hui un bon vendeur dans une même entreprise qui est celle que... Je vais répondre d'une façon toute bête. Ça n'a pas changé. Un bon vendeur, c'est un bon vendeur. Et alors, ça fait un mauvais vendeur, c'est un mauvais vendeur. D'abord, un bon vendeur, c'est dire bonjour monsieur, bonjour madame. D'être à l'écoute de son client, lui faire goûter des produits, discuter des prix, et surtout, au revoir et merci, et à bientôt. Le patron d'une boutique, c'est le client. Je vous le dis tous les jours. Le patron de la boutique, c'est le client. Ça, vous l'avez dans appris. Dans le temps, on disait, dans le prix, à couper dans le derrière. Mais dans le temps, on disait, tu perds un client, tu en retrouves 10. Aujourd'hui, tu perds un client, terminé, il est parti. Ça tient à une nouvelle forme de concurrence. Autre chose au niveau de l'ambiance, que c'était très important. Les crémiers avaient beaucoup de volume. Donc maman était à la maison. Il y avait des vendeurs ou des vendeuses dans la boutique. Et donc le crémier, le patron, avait le temps d'aller au Halles pour faire ses achats. Il ne faisait pas qu'une fois par semaine. Comme il y avait beaucoup de volume, il faisait deux fois ou même trois fois par semaine. Mais il avait tant discuté d'aller casser la croûte, d'aller boire un coup de rouge avec ses copains, etc. Parce qu'il y avait du volume, il y avait qu'il fallait à la maison. Aujourd'hui, ils n'ont pratiquement plus personne à part les très grosses boutiques. Donc, papa, tu ne vas pas rester trois heures à Rungis. Tu te presses parce qu'il y a la boutique à tenir. Et donc, les gens sont hyper pressés. Ils viennent de plus en plus tôt. Déjà à cause de la circulation. Ah, parce que bon, en Paris, malheureusement, ça ne roule pas toujours bien. Qu'est-ce qu'on appelle dans les sciences sociales la sociabilité ? C'est-à-dire, ce que vous nous racontez, c'est comment c'est un métier, mais c'est tout ce qui est autour du métier qui comptait dans le temps. C'est-à-dire, c'est d'aller prendre un coup avec son client, c'est de perdre du temps pour peut-être en gagner plus tard, et de tout ce qui va avec. Ça, ça a profondément changé. C'est pas simplement la nostalgie qui vous fait dire ça, Maurice de Sailly ? La nostalgie, je crois pas, mais bon, les gens étaient du matin jusqu'à 1h30 aux achats. Donc, on avait le temps de s'en occuper. Il y avait des coups de bourre. Parce qu'il fallait voir les volumes qu'on sortait quand même. Des coups de bourre. Hein. Nous, on sortait 10 tonnes de beurre, 10-15 tonnes de beurre tous les matins. Hein, en motte, en pailletage, etc. Donc, il fallait pas s'amuser. Il fallait quand même pas rêver. Hein. Mais bon, c'est une ambiance traditionnelle. Comme sur les marchés aujourd'hui. Moi, j'aime bien aller au marché parce que bon. Il y a des marchands de fripes, il y a un peu tout. Moi, qui ne suis pas très bavard, aujourd'hui, si, mais qui ne suis pas très bavard, au marché, je rencontre quelqu'un, bon, tu vas bien, bon, on va boire un café, éventuellement. Donc, moi, j'aime bien cette ambiance-là. Bon, et puis, attention, c'est qu'aujourd'hui, il y a des charges qui n'existaient pas. Quand j'ai commencé, j'avais 3 lignes sur mon bulletin de paye. Le salaire brut, 6% de sécurité sociale, 2,75% de taxe sur le salaire. Terminé. Aujourd'hui, vous prenez un bulletin de paye. Une vingtaine de lignes sur le bulletin de paye français. Oui, mais en Allemagne, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Bon. On complique tout. 400 000 réglementations. Code du travail, 3 630 pages. Chaque préfet reçoit 90 000 feuillets par an. Mais il n'y a pas simplement une position gouvernementale, il y a aussi une société qui a évolué, qui veut plus, entre guillemets, de sécurité alimentaire. Vous avez connu les grandes crises de sécurité alimentaire, Maurice de Sailly, la listeria, la peur des fromages Mondor à une époque, etc. Toutes choses qui, d'un seul coup, ne viennent pas simplement d'une décision d'en haut, mais d'une décision d'en bas. Ça change beaucoup les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement a tellement peur, donc il y a le principe de précaution alimentaire. Mais pour vous rappeler l'histoire des fameux Mondor, c'est des fromages qui venaient de Suisse. C'était une catastrophe, parce qu'en fait, c'est deux ou trois journalistes du Figaro Magazine, je crois, qui ont été mal foutus le lendemain et qui ont trouvé que c'était des fromages qui étaient mangés, j'allais dire bouffés, et rendus malades. C'était dramatique en Suisse. Ils ont fermé 70 ateliers. Les 6 mois qu'on suivit. Après, il y a eu Berthaud, les poisses. Alors, j'ai eu M. Berthaud qui a vendu son affaire à Bourgoin, d'ailleurs, il y a quelques mois, de fait, ils n'ont jamais prouvé que j'avais du sérieux. Berthaud, du jour au lendemain, 90% de volume en moins. Arrêté complètement. Il a failli mourir. Il a été sauvé parce que, bon, mais pas quel miracle. Et ça, c'est. Les gens ont tellement peur. Il y a eu des sanitaires, l'année dernière, au mois de novembre, décembre. Bon. Surtout que vous avez connu, vous, une époque où les conditions d'hygiène, de conservation des fromages n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, où les caves des Halles de Paris n'avaient pas grand-chose à voir avec les frigos entièrement. Chez nous, on était très équipés. Mais dans beaucoup d'endroits, ça n'était pas le cas, et même dans les lieux de vente, les crèmeries, etc. etc. Donc, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait réfléchir à quoi dans cette longue évolution justement du rapport à la nourriture aussi? Parce que le marché que vous avez... Oui, c'est vrai, bon, pour tout le monde, parce que le problème de la santé, c'est le problème numéro un. Ah, bon, on est bien d'accord qu'il faut faire très attention. Bon, mais malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Vous devez prendre toutes les précautions possibles et imaginables. Le risque zéro n'existe pas. D'autant que vous travaillez sur du vivant, puisque le fromage, c'est oui, un... Aujourd'hui, dans des sociétés comme chez nous... On reçoit de la marchandise, on met des numéros de lot, il y a la traçabilité, il y a la DLO ou la DLC, etc., qu'on contrôle en permanence. Si on a le moindre souci, on doit fournir à qui on a vendu le produit, quel numéro de lot, etc. C'est extrêmement lourd, extrêmement lourd. Mais lourd est nécessaire ou lourd est inutile selon vous ? C'est nécessaire, mais à condition qu'on nous empoisonne pas trop quand même, parce que au bout d'un moment, ça devient. Si on passe son temps à vérifier ce qui était déjà vérifié, parce que les usines elles-mêmes font des analyses. Bon, non seulement elles les font chez elles, mais elles les aident à des laboratoires extérieurs pour voir si c'est bien conforme. Mais pour venir du milieu agricole, je sais ce qu'il en est un peu. Par exemple, on avait dit on va tuer toutes les petites laiteries traditionnelles qui fabriquaient, par exemple, du fromage de chèvre à partir du moment où on va les obliger à se doter d'un laboratoire, à prendre des vitrines frigorifiées pour aller présenter leur... Voilà, exactement. Toutes ne sont pas mortes et on continue à manger du fromage de chèvre et ces laiteries continuent à exister. Alors, il y a encore des fromages fermiers, bien sûr. Il y a des gens qui ont eu la chance de pouvoir se moderniser, comme vous dites, laboratoire, transformation, mais ça représentait des fois des investissements extrêmement lourds. Hein, parce que bon, c'est bien joli de dire qu'il faut faire ci, faire ça, mais encore faut-il avoir les moyens de le faire. Donc c'est vrai qu'il y a encore des producteurs fermiers, heureusement. Nous, on recherche toujours des petits producteurs, mais l'autre problème des petits producteurs, c'est que les coûts de logistique... Et le volume. Quand tu veux nous approvisionner, c'est hors de prix. Et le volume, évidemment, qui n'est pas au rendez-vous. Et le volume, aujourd'hui, vous aviez des gens qui ramassaient dans les usines ou les petits producteurs directement. Maintenant, le producteur doit amener à Vire, par exemple, en Normandie, au dépôt TF1, leur marchandise. Comme ça, TF1 n'ira jamais chez eux pour prendre la marchandise. Donc, la logistique, c'est un frein énorme parce que nous, on a nos camions, on sait combien ça coûte, hein, je peux vous dire. Malheureusement, c'est un poste qui évolue tout le temps en hausse, tout le temps. Mais il n'y a-t-il pas une contradiction, Maurice de Sailly, à vouloir à la fin du traditionnel, du terroir, du fermier ? Et tout compte fait, se plaindre que ce traditionnel, ce terroir, ce fermier se trouve au fin fond des campagnes parce que c'est là où il se réfugie au bout du compte. C'est-à-dire, il y a une tension entre à la fois vouloir quelque chose qui soit authentique et regretter que les conditions de l'authentique, c'est d'être loin des villes et même le plus loin des villes possible en l'occurrence. Mais c'est pour nous, bien sûr, mais c'est surtout pour le petit fermier du coin, pour le producteur du coin. Si localement, il arrive à écouler toute sa production... Ok, mais s'il veut se développer, s'il veut aller à Bordeaux ou à Toulouse ou à Aurillac, il faut avoir un peu de volume déjà. Parce qu'aujourd'hui, les coûts d'approche deviennent énormes. Énormes. Et donc, il n'a pas d'autre solution que de vendre sur le marché du coin ? Alors oui, vendre sur le marché du coin, où on a essayé deux, trois fois, ils viennent, mais à moins de 100 kilos, ils disent, je ne peux pas livrer parce que M. de Sailly, c'est 30% du prix de la marchandise. C'est fou, quoi. Aujourd'hui, la logistique, c'est le volume. Quand vous vendez un produit 3,50 euros ou 4 euros, et vous avez 30 ou 40 centimes de coût de transport, il faut voir quel prix. Et c'est ça, c'est que... Il y a les nouvelles normes. Aujourd'hui, les chauffeurs, en principe, il en faut deux. Dans le, il n'en faut pas un. Les heures, les 35 heures, les temps de repos, les machins. Bon, mais... Non, on vit dans un monde difficile. Je pense qu'on va revenir un petit peu, je le souhaite, vers le traditionnel. Je souhaiterais également que les femmes, surtout qui font leurs courses ou accompagnées, revoient un petit peu leur système d'achat. On peut faire de la cuisine assez bon marché aujourd'hui, hein, si on veut la faire. Et moi, je fais un peu de cuisine, je vais au marché le dimanche, je dis, ça me plaît, je vais faire un truc comme ça. Bon, je sais pas, au niveau, je peux payer à 50 centimes de plus, si vous voulez, pour le principe. Hein, j'aime bien faire. De temps en temps, je dis à la femme, non, c'est moi qui fais les courses, pour essayer de se rendre compte. Il faut, parce qu'il y a des. Par exemple, les pot-au-feu. La viande, c'est pas très cher, un pot-au-feu. Mais qui sait qu'il va attendre 3 heures, que ça mijote tout à l'heure, etc. Pourtant, un bon pot-au-feu avec des copains ou de la famille, c'est bien agréable. C'est autre chose que de manger une pizza ou c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai un petit-fils qui a 28 ans maintenant. L'année dernière, je lui dis qu'est-ce que tu as mangé ? On a mangé une pizza pour Noël. Je lui dis qu'est-ce que tu me racontes ? Je lui dis une pizza, c'est complètement malade, mon pauvre garçon. Complètement malade. Mais quand ils viennent chez nous, ils mangent bien. Ils apprécient. Ils apprécient. Donc, il faut. Moi, je crois qu'il faut redonner D'abord, si on pouvait enlever un peu de stress aux gens, parce que c'est une catastrophe. Dans les grandes célébrations, les gens courent partout. Les portables, ça parle tout le temps. On fait de la bicyclette avec des écouteurs. Les gens deviennent complètement malades avec ça. Toute la journée, ils sont avec leur truc. Hein. Relançons la consommation. Déployons les chars à bifton. Avec du light, avec du verre. Peut-être qu'on pourra passer l'hiver. Deux bidules pour le prix d'un. Et les poulets élevés au gain. Inondons tous les rayons de soleil et de dindon. Un melon calibre 3. J'ai déniché 4 saucissons pour le prix de 2. Bravo. Faites attention, il y a 20% de réduction sur les luminaires au deuxième étage. Prenez l'escalator, rapidement. Si vous trouvez moins cher ailleurs, vous pourrez vous faire rembourser. Dans un rayon de 30 km, on offre le champagne. Moi, les bouts de Fukushima. Je te les écoule, fissa, ça fait rustique dans du rotin, un camembert dans son écrin. À vous l'intégrale de King Kong, cette belle supplémentaire de Tong. Y'a du génie dans le transgénique, du rêve dans le pâté biologique. Une petite guerre ou des élections. Sandwich à l'unisson, les produits de première nécessité, c'est là-dessus qu'on va se rattraper. Qu'est-ce que vous regrettez le plus de ce que vous avez connu et de la grande évolution, justement, vous parlez du stress, etc. Mais dans votre métier, de ces évolutions, parce qu'on les épouse, ces évolutions, on les favorise, quand on est un peu visionnaire, on les met en place même. Qu'est-ce qui a changé en positif, en négatif? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'y a pas simplement de la nostalgie pour ce qui a disparu, il y a aussi des choses formidables qui sont arrivées. En quelques phrases, très brièvement, qu'est-ce que vous pourriez dire? Bon, en négatif, je dirais, c'est apprendre, entre guillemets, c'est la concentration dans toutes les entreprises. Une déshumanisation complète. Et là, c'est catastrophique. Des gens d'un bureau à l'autre à 3 mètres, ils s'envoient un SMS. Tu l'as lu, tant mieux, tu ne l'as pas lu, tant pis pour toi. À la différence près. Bon, il y avait une ambiance aussi plus familiale, beaucoup moins stressante dans le temps. Aujourd'hui, concentration, les entreprises avaient énormes. On ne sait pas s'il va conserver son emploi ou pas. Donc l'immobilier ne va pas, mais on ne construit pas non plus, donc l'immobilier ne va pas. Et d'un côté, s'engager sur 25 ans, sans savoir si dans 2 ou 3 ans, on ne va pas se faire virer, on va perdre sa place. Donc, pour moi, il faudrait essayer d'enlever un peu de stress aux gens, quand même. C'est ça, le but. Et que les gens retrouvent un petit peu de se voir, de se contacter, même boire un verre. Alors, on est dans un appart, quand je te rencontre, viens boire un verre chez moi à la maison. Que les gens discutent. On ne discute plus. On ne parle plus aujourd'hui. Ça, c'est le négatif. Et dans votre métier, la crèmerie, ce travail de marché que vous faites depuis si longtemps, Maurice de Sailly, qu'est-ce qu'il y a eu de positif ? Moi, mon regret, enfin pour moi personnellement, c'est de ne plus avoir suffisamment de volume pour aller voir les producteurs comme on les voyait dans le temps. Parce que dans le temps, avec les volumes, on voyait des voyages d'affaires, moi je voyais beaucoup, donc ça coûtait de l'argent. Rien à voir avec ce que ça coûte maintenant. Hein. Coucher dans des routiers 3 soirs, aujourd'hui, moi, dans l'hôtel, c'est 120 euros. Hein, donc, c'est plus du tout pareil. Hein. La vie est très chère aujourd'hui, pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Mais ça, c'était aussi, vous regrettez le contact, d'une certaine façon. Le contact avec tous ces petits, c'est pas péjoratif, ces petits industriels, ces affineurs, hein, qui connaissaient bien leur métier, qui vivaient, qui avaient à 100% pour leur métier, hein, qui avaient des relations importantes. On était au courant de leurs problèmes, on était assez en confiance avec eux, on leur disait ce qui n'allait pas. Et puis retrouver cet esprit un petit peu de, comment dirais-je, de, non pas bon enfant, parce que des fois on se faisait On avait déjà le ciel qui nous dit non, c'est pas sérieux ton truc, etc. Mais il y avait, c'est le contact qui manque, voilà. Parce que les entreprises deviennent trop grosses, et on n'a plus les contacts qu'on a dans le temps. Et donc, si on vous demande, parce que vous insistez sur ce qui est négatif, des choses positives qui sont advenues dans votre métier? Bah, pour moi, le plus positif, c'est qu'une de mes filles ait repris la direction de l'affaire, déjà. Ça, c'est très important. Que c'est la quatrième génération. Le deuxième côté positif pour moi, d'être dans une PME et d'avoir la chance d'être encore là et de travailler encore. Bon, je ne suis plus rémunéré, mais je travaille toujours. Alors, ma fille vient à 4h30, moi je viens à 6h30, je pars à 5h, elle est là jusqu'à 8h du soir. Donc voilà, ça c'est déjà pour moi important. Et puis c'est surtout moi, ça m'a permis, si vous voulez, ça fait 12 ans que je suis à la retraite quand même, j'ai 77 ans, donc de voir l'affaire de façon complètement différente. Et avant, quand on a la tête dans le guidon, comme on dit vulgairement, du 5h du matin à 8-9h du soir, plus ses voyages, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Il faut assurer. Et là, j'ai pris le temps un petit peu de réflexion, et ça nous a permis. On a racheté une affaire il y a 6 ans, on en a racheté une autre il y a 3 ans, on vient d'en racheter une. Hein. Et donc, ça permet de voir les choses un peu différemment, d'avoir le temps de réfléchir un petit peu. Et si vous voyez l'avenir à 77 ans de ce type de métier, ça s'oriente vers quoi? Aujourd'hui, si dans les 3 mois vous ne réussissez pas, vous êtes mort. Vous êtes mort. Ça va tellement vite, tout change, tout se transforme. Mais pas changer un programme informatique, il faut déjà le changer. Les payes, les dernières 2 fois, il a fallu changer. Parce que les trucs étaient revenus. Donc, tout est compliqué. Voilà. Moi, je dis que les choses dans le temps étaient relativement simples. On achetait, on vendait, il y avait des papiers, on faisait du commerce. Il faut entretenir cet esprit de famille qui est aussi très important pour nous. Merci beaucoup. Je vous en prie, à moi. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. La prise de son à Rungis était assurée par Yves Lehors et la réalisation par Véronique Samouilov. Demain, nous participons à la journée spéciale de France Culture sur la santé en mêlant notre thème, le thème des marchés, avec le thème de la santé, en nous intéressant à l'histoire des médicaments et de leur commercialisation. Nous allons passer de l'officine à l'industrie. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans, la télécharger pendant 1 an après sa diffusion et laisser vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.